Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la grève étudiante de 1958, la toute première grève étudiante au Québec. Alors, est-ce que le premier ministre vous a reçu ce matin? Encore ce matin, nous n'avons pas été reçus, mais le premier ministre nous a fait dire que ni lui ni son personnel n'avaient de temps à perdre. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes à Québec? Ça fait 13 jours qu'on est à Québec et on a essuyé aujourd'hui notre 9e refus. Les trois étudiants mandatés par leur association étudiante pour rencontrer le premier ministre Duplessis à la suite de la grève étudiante du 6 mars 1958 vont passer finalement quelques semaines à Québec. Pendant plus d'un mois, ces trois étudiants vont se rendre jour après jour au bureau du premier ministre Maurice Duplessis dans l'espoir de le rencontrer, mais le premier ministre va refuser obstinément de les recevoir. De fait, la première grève étudiante de l'histoire du Québec donnera peu de résultats concrets, sinon que de permettre au mouvement étudiant d'établir les bases sur lesquelles reposeront toutes les luttes à venir. Quand nous montons à bord du train, le soir du 6 mars 1958, Jean-Pierre Goyer, Bruno Meloche et moi, Francine Laurendeau, avec la mission d'aller frapper au bureau du premier ministre Maurice Duplessis, nous sommes inquiets sur ce qui nous attend à Québec. Car le moins qu'on puisse dire, c'est que le sort des étudiants et des universités n'est pas une priorité pour le chef de l'Union nationale, qui a jusqu'alors obstinément refusé de recevoir les délégués des associations étudiantes, l'éducation étant, n'est-ce pas, un domaine strictement réservé au gouvernement, le gouvernement c'est lui, et aux institutions religieuses. Extrait du film « L'histoire des Trois » réalisé par Jean-Claude Labrecque en 1990 pour nous raconter l'histoire de cette première grève étudiante au Québec en mars 1958. Mon invité est Karine Hébert, professeure d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski. Karine Hébert, bonjour. Bonjour. Quelle importance a cette grève? C'est la première grève étudiante, celle du 6 mars 1958 au Québec. Quelle importance ça a dans l'histoire sociale et dans l'histoire du mouvement étudiant au Québec? Bien, vous l'avez dit en introduction, cette grève-là, c'est la première. Donc, son importance fondamentale, si on veut, c'est vraiment d'avoir montré que c'était possible pour les étudiants de faire un front commun, de faire un exercice de revendication. On les avait vus manifester dans les rues, faire des manifestations contre les prix du tramway, par exemple. Mais vraiment, revendiquer à titre d'étudiant quelque chose de manière globale, c'est la première fois. On brise la glace. Il y a comme un geste fondateur qui est posé. Et ça ne sera pas la dernière, ça, c'est absolument clair. Absolument, c'est clair. Un petit peu de contexte avant d'arriver, parce qu'elle n'arrive pas subitement, cette grève-là. Un peu de contexte pour expliquer ce qui fait qu'on y viendra à la grève de 58. Dans quelle situation se trouve à ce moment-là les universités québécoises, mais même les universités canadiennes, à la fin des années 50, Karine Hébert? Bien, les années 50, c'est une grosse décennie pour les universités, dans la mesure où elles doivent vivre avec les suites de la Deuxième Guerre mondiale. À la suite de la guerre, le gouvernement fédéral avait accordé aux anciens combattants la possibilité de poursuivre leurs études universitaires en payant leurs frais de scolarité. Donc, il y a eu énormément de vétérans qui sont entrés à l'université pendant ces années-là et qui vont gonfler finalement les effectifs étudiants. Et il y a aussi les étudiantes qui sont entrées massivement à l'université à la faveur de la guerre parce qu'il y avait moins de garçons. Donc, les filles sont rentrées à l'université, ont pris la place et elles sont restées après la guerre. Et là, il y a un genre de conjonction d'événements après la guerre. Les filles restent là. Les anciens combattants poursuivent leurs études. Arrivent les années 50 et là, ils ont à peu près fini leurs études. Ouais. Mais entre-temps, les universités ont grossi pour accueillir ces étudiants-là. Et l'éducation supérieure est devenue fondamentale dans la société, disons, plus technologique de l'après-guerre. Donc, les étudiants sont, de manière générale, de plus en plus nombreux. Les universités ont investi massivement le monde de la recherche. Mm-hmm. Ça coûte cher, mm-hmm, faire de la recherche. Et là, comme les anciens combattants sont partis, les subventions aux universités pour les payer ont disparu. Et là, les universités se ramassent avec un manque à gagner important. Parce qu'au fond, ces subventions, c'est ces leviers qui a permis aux universités de se développer, de grossir. Les étudiants partent, l'argent part, crise financière partout au Canada. Oui. Il y a au Québec un contexte un peu particulier. C'est Maurice Duplessis qui est au pouvoir. Mm-hmm. Maurice Duplessis a cette politique d'autonomie provinciale, ce qui accentue au Québec, chez nous, la crise financière des universités. Pourquoi? Bien, vous l'avez dit, Maurice Duplessis, c'est un autonomiste. L'éducation, c'est une prérogative du provincial selon la Constitution. Et là, pour combler le manque à gagner, le fédéral a offert aux universités de payer, de continuer à investir dans les universités. Et donc, bien entendu, Duplessis ne veut pas que les universités québécoises acceptent l'argent du fédéral, disant « si vous acceptez l'argent, moi je coupe les vivres des universités ». On s'entend, c'était des subventions généralement non statutaires, beaucoup discrétionnaires, mais oui. Il fournissait quand même de plus en plus d'argent aux universités au Québec malgré tout. Donc, se faire couper cette porte-là, c'était vraiment un danger financier pour les universités qui ont donc dû refuser les subventions du fédéral. Cet argent-là est allé dans une fiducie en attendant que les choses se règlent, ce qui va prendre beaucoup de temps. Et en plus, Duplessis avait dit, si vous refusez, je vais combler le manque à gagner, mais ça n'a jamais été fait. Ouais. Donc, les universités sont dans une situation difficile à cette époque-là. Au Québec particulièrement, mais encore une fois, partout au Canada, oui. Ce qui fait qu'il y a des gens qui commencent à réfléchir, il y a une crise générale des universités, va s'organiser à Ottawa en février 58, la Conférence nationale sur l'enseignement. On est quelques semaines seulement avant la grève étudiante du 6 mars 58 au Québec. Et au cours de cette conférence, évidemment, il va être question d'accessibilité aux études universitaires, comment favoriser la plus grande accessibilité possible. Pour certains, la solution, ça va être la gratuité. D'autres vont s'y opposer farouchement. Je propose d'écouter les points de vue de l'abbé Adrien Bluteau et de Pierre Dansereau. Pierre Dansereau, qui est alors doyen de la Faculté des sciences sociales de l'Université de Montréal. Extrait de l'émission Point de mire, animée à l'époque par René Lévesque. On est en février 1958. J'estime que l'enseignement qu'on dit gratuit, c'est-à-dire financé par des taxes, pourrait s'appliquer actuellement au moins jusqu'à l'âge de 16 ans. Après quoi, j'aimerais mieux un système de bourses et de prêts qui permettrait à chacun de faire l'université s'il a les aptitudes voulues. Pourquoi vous préféreriez après 16 ans un système de bourses et de prêts plutôt que la gratuité complète? Quel est votre... Je trouve que le jeune homme, à ce moment-là, qui a de la valeur, doit lui-même s'engager pour fournir, s'aider lui-même pour accéder à cette position supérieure. Et il est bon qu'il absorbe une partie des frais que cela entraîne. Parce que, de toute façon, il accédera à un niveau supérieur. Et j'imagine qu'il doit fournir un effort pour avoir cette permission, si vous voulez, d'accéder à ça. La société en retirera sans doute du profit, mais lui-même d'abord en retirera un plus grand bonheur. Il sera plus heureux. Alors, je trouve qu'on ne peut avoir tout ce qu'on désire pour rien. En effet, il faut imposer un effort à l'étudiant. Il faut le faire payer, mais faisons-le donc payer intellectuellement. Rendons les cours plus difficiles, et particulièrement l'admission à l'université plus difficile. Faisons-le payer intellectuellement. Ne lui faisons pas laver la vaisselle. Alors, deux choses à noter. D'abord, on note bien que pour l'abbé Bluteau, l'université à l'époque est réservée aux seuls hommes, ce qui n'est pas vrai. On l'a vu avec vous, Karine Hébert, il y a un instant. Et puis surtout, deuxième chose, c'est absolument fascinant, Karine Hébert, l'argumentaire. Les arguments qui sont invoqués à l'époque, à la fin des années 50, pour justifier le maintien des droits de scolarité est exactement le même qu'invoquent aujourd'hui ceux qui ne veulent pas de la gratuité scolaire. Oui, tout à fait. Faisons notre juste part. Et est-ce que ça va revenir plutôt à la société en général, la plus-value en enseignement supérieur ou aux étudiants? Peu importe, les étudiants doivent payer malgré tout. Et on voit quand même Dansereau qui arrive avec des idées qui sont assez nouvelles là, dans les années 50. Là. Il incarne vraiment cette volonté-là d'ouvrir, de faire de l'éducation supérieure un investissement social, sociétal, global. Et ça, c'est quand même assez récent dans ces années-là. Oui. Puis le mouvement étudiant, en parallèle, justement, se développe lui aussi. Là. Ça commence au début du 20e siècle, mais là, à la fin des années 50, il y a ce courant qui va vers plus d'accessibilité, vers éventuellement de la gratuité, puis en parallèle, un mouvement étudiant qui prend de plus en plus de force aussi et qui épouse ces idées-là, non? En grande partie, oui. Le monde étudiant se structure en même temps que les universités sont créées au Québec. Là. Donc, on a des universités à Québec, à Montréal et tout ça qui se mettent en place. Et rapidement, là, dès la toute fin du 19e siècle, début du 20e, les étudiants se regroupent en associations étudiantes, se dotent de journaux étudiants pour faire valoir leur position, leur voix et tout ça. Au départ, ils sont relativement sages. Ils adhèrent à cette idée-là que nous sommes l'élite de demain. Et au fur et à mesure que les années passent, bon, ils vont s'opposer aux adultes à certains moments donnés, lors de la crise, lors des guerres, disant que ben c'est quand même les jeunes qui souffrent le plus de ces événements-là. Ils vont accuser les adultes d'en être responsables. Et l'après Deuxième Guerre mondiale est vraiment un moment de un tournant majeur dans l'histoire des étudiants, où là, à la faveur notamment de ce qui s'est passé en France avec la promulgation de la Charte de Grenoble en 1946, qui fait de l'étudiant maintenant un jeune travailleur intellectuel. Ouais. C'est le mouvement syndical étudiant français qui se met en place. Cette idée-là va être récupérée au Québec, particulièrement dans les universités francophones, ce qui va permettre, par exemple, aux étudiants de l'Université de Montréal en 1954, au moment de la commission Tremblay, de se présenter dans cette commission-là à titre de jeunes travailleurs intellectuels. Commission qui n'a rien à voir avec les études universitaires. C'est une commission constitutionnelle, c'est ça? Sur les affaires constitutionnelles? Oui, mais ça traite justement de cette idée-là entre autres, du financement des universités, là, qui rentre dans les problèmes constitutionnels. Et les étudiants, à ce titre-là, vont vouloir se prononcer sur le dossier. Ils vont le faire à titre de jeunes travailleurs intellectuels. Et ça va être formalisé notamment à l'Université de Montréal avec la Charte de l'étudiant en 1961 qui va reposer là-dessus. Ça va mener au mouvement syndical étudiant québécois en 64 avec l'UGEC. Là. Et puis toute cette idée, pour revenir à ce que disait Pierre Lancereau, de donner l'accessibilité au plus grand nombre. Le mouvement étudiant de l'époque va être très, très proche des milieux ouvriers. On est là-dedans, là. Bien, il y a une volonté d'y arriver. Il y a plusieurs sondages qui sont menés par les étudiants à l'université pour vraiment conclure finalement que les fils d'ouvriers et les filles d'ouvriers sont sous-représentés à l'université et que si on veut avoir une société progressiste, moderne et tout ça, on doit leur donner la possibilité de rentrer à l'université. Donc, il y a cette volonté-là de rejoindre le monde ouvrier, notamment, comme on l'a entendu dans l'extrait tout à l'heure, en favorisant la gratuité scolaire. Ouais. Les universitaires du Québec ont revendiqué par une grève d'une journée la primauté du talent sur l'argent. À Montréal, la montagne a été semée de barricades pacifiques qui personnifiaient peut-être les ennuis que doivent surmonter les fils de familles pauvres qui désirent fréquenter l'université. Quoi qu'il en soit, les milliers d'étudiants plaidaient par leur absence au cours jeudi en faveur de ceux qui devraient être leurs confrères mais qui ne peuvent l'être, faute d'argent. La première grève étudiante de l'histoire du Québec se déroule donc le 6 mars 1958. Karine Hébert, comment ça se passe cette journée-là? Comment ça se déroule? Ben, on s'entend, là. Il n'y a pas 300 000 personnes dans les rues, là. Chacune des universités qui est en grève a organisé les choses différemment. À l'Université Laval, c'est vraiment là qu'il y avait l'appui le plus fort pour la grève. Il y a eu, bon, des rencontres, les cours ont été levés pour la journée, etc. À l'Université McGill, il n'y a pas eu d'activité particulière d'organiser, mais les cours ont été suspendus. Les cours n'ont pas été suspendus. Les étudiants ne se sont pas présentés en classe. Et à l'Université de Montréal, bon, on a entendu, il y a des barricades qui ont été érigées un peu partout autour du campus. On a organisé des conférences pour les étudiants avec René Lévesque, André Laurendeau, Pierre Elliott Trudeau. Donc, on voulait réfléchir à la société de manière générale. Pourquoi ils décident de déclencher cette grève, les étudiants, en 58? Qu'est-ce qu'ils demandent? Ils ont, en 58, voyant qu'il se passait plus rien, là, que tout était bloqué pour le financement des universités, puis aussi que McGill venait d'annoncer une hausse importante des frais de scolarité pour pouvoir combler son manque à gagner, les associations étudiantes des 6 universités du Québec de l'époque se sont rejointes et ont proposé un mémoire, ont rédigé un mémoire qu'ils ont voulu déposer directement à Maurice Duplessis. En gros, là, ça reposait sur l'idée de donner aux universités des subventions statutaires, donc non discrétionnaires, de former des comités pour examiner ce financement-là auquel les étudiants auraient un siège et de tout revoir le système des bourses pour les étudiants et en faire quelque chose aussi d'objectifs de global et de non qui serait pas finalement un lieu de patronage. Et ben là, ce qui s'est passé, c'est que naturellement Duplessis a refusé d'entendre les étudiants. En fait, il n'a même pas voulu répondre à leurs demandes. Et à partir de ça, bon, ben les universités ont fait des sondages, ont fait des votes dans leurs universités et ils ont décidé globalement de sortir le 6 mars. Elles y sont toutes? Au départ, les 6 universités ont signé le manifeste envoyé à Duplessis, mais finalement, Sherbrooke s'est retirée. L'Université de Sherbrooke s'est retirée de la grève. Il faut savoir que l'Université de Sherbrooke est fondée en 1954. Elle est encore toute récente et elle dépend presque exclusivement des subventions discrétionnaires de Duplessis pour survivre. Et ce qu'on comprend, c'est qu'il y a eu des pressions très fortes de la part du gouvernement sur l'administration de Sherbrooke et les étudiants ont accepté finalement de se retirer du front de grève. Et ce qu'on sait, c'est que finalement, quelques jours après le 6 mars, le gouvernement Duplessis a envoyé une grosse subvention discrétionnaire à l'Université de Sherbrooke. Ouais. Quel impact ça a, cette première journée de grève, politiquement? Comment c'est reçu à Québec? Comment c'est reçu par Duplessis? Quel impact ça a dans les médias? Quel impact a cette première journée de grève? Bon, on s'entend, c'est une journée. Il n'y a pas eu de grabuge. En fait, les étudiants se sont glorifiés de ne pas avoir fait de grabuge. Ils ont fait ça comme des grands, finalement, comme des adultes, comme ils disent. Ça n'a pas eu beaucoup d'impact immédiat, si on veut, dans la mesure où Duplessis a carrément pas voulu en entendre parler. Ça a quand même eu un impact dans les médias. On en a parlé dans les médias. Les responsables de l'Association de l'Université de Montréal, par exemple, ont été reçus à Pointe-Mire. On en a parlé dans les journaux. Francine Laurendeau, qui est une des trois dont on a entendu la voix tout à l'heure, c'est la fille d'André Laurendeau. Et André Laurendeau a fait beaucoup, beaucoup d'articles sur ce sujet-là pour appuyer le mouvement des étudiants. Donc, il y a quelque chose qui vient de démarrer ce soir-là, puis vous parler de Francine Laurendeau avec deux de ses collègues. Ils sont trois étudiants qui vont être mandatés par leur association étudiante. Elle, Francine Laurendeau, Bruno Meloche et Jean-Pierre Goyer, pour tenter de rencontrer le premier ministre Duplessis. Ils partent le soir même de la grève en direction de Québec en train. Ils vont talonner le premier ministre. Ça va durer plus d'un mois, cette affaire-là. Je vous propose d'écouter un montage d'une entrevue avec ces trois étudiants le 21 mars 58, entrecoupé d'extraits du film de Jean-Claude Labrecque sur cette histoire-là. Le film s'appelle « L'histoire des trois », réalisé en 1990. Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes à Québec? Ça fait 13 jours qu'on est à Québec et on a essuyé aujourd'hui notre 9e refus. Est-ce que vous entendez revenir comme ça tous les matins pendant longtemps? Certainement, jusqu'à ce que nous ayons une réponse. Il ne savait pas trop quoi faire. Ça veut dire que c'était la première fois qu'il y avait des étudiants qui s'attaquaient directement au pouvoir, mais direct, généralement, c'est à travers les syndicats, à travers toutes sortes de choses. Mais là, c'était direct. Qu'est-ce que les étudiants espèrent de cette rencontre? Alors, les étudiants veulent discuter avec le premier ministre des 5 conclusions du rapport général qui a été préparé par les 6 universités de la province de Québec et qui, à notre point de vue, est la question importante de l'éducation actuellement. Mais ça se résume, en fait, seulement à ce qu'on ait, que les universités aient des octrois statutaires et que l'instruction soit une question de talent et non pas d'argent. Moi, je me disais de deux choses l'une, vous allez voir mon grand flair politique, ou bien il nous reçoit, puis là, il nous dit n'importe quoi, il nous tapote l'épaule, oui, mes petits-enfants, et puis on s'en retourne, puis rien n'est changé. Ou bien alors, on se fait expulser carrément, il nous fait expulser comme il l'a déjà fait, comme il l'a fait plus tard avec un journaliste, Guy Lamarche, et puis c'est fini. Moi, je pensais qu'on viendrait le lendemain, ou le surlendemain, franchement. Non, moi, j'avais le sentiment que ça pouvait être long. Ce qui m'avait d'abord incité à partir, c'est que je disais, c'est pas possible que tous les efforts que nous avons faits comme groupe d'étudiants, la préparation studieuse des mémoires, la rédaction, le nombre d'assemblées, de discussions avec les assemblées générales, le conseil de l'AGUM, les tentatives pour rencontrer le premier ministre, les débats qui ont eu lieu, les assemblées, le vote, la grève, et que tout ça tombe et finisse ici. Mais justement, est-ce que le public comprend bien la situation? C'est-à-dire, le public ne croit peut-être pas que les étudiants sont à plaindre. Vous-même, vous n'avez pas l'air d'être trop mal en point. On voit beaucoup d'automobiles sur les campus. Oui, l'argument des automobiles prouve justement que l'instruction actuellement est réservée simplement à une classe privilégiée de la population. Si on aperçoit beaucoup d'automobiles, c'est donc que les étudiants qui sont actuellement à l'université ont beaucoup d'argent. Mais ce que l'on veut, c'est que ceux qui ne peuvent pas venir à l'université puissent venir grâce à des bourses qui viendraient du gouvernement. Quelle importance va avoir cette opération commando presque, Karine Hébert, là, ces trois jeunes étudiants qui, jour après jour après jour, talonnent le premier ministre, veulent rencontrer Maurice Duplessis? Quelle importance ça va avoir dans l'histoire de cette grève de 58? Puis d'une certaine manière, est-ce que ce ne sera pas plus important que la journée de grève elle-même? J'aurais deux réponses à cette question-là, en fait. Oui, parce qu'on a plus parlé des trois au final. Dans l'histoire, depuis 1958, on s'est souvenu des trois. Ça a donné lieu à un documentaire et tout ça. Et souvent, on va associer la grève à ce commando-là des trois. Donc, ça a marqué peut-être un peu plus l'imaginaire collectif, encore que c'est quand même un épisode relativement restreint de l'histoire du Québec. Malgré tout, la grève de 58 a une importance assez marquée dans la mesure où est-ce que c'est vraiment, on en a parlé, je pense que c'est Goyer dans les petits extraits tout à l'heure, réfère à « on voulait pas perdre tout le temps qui avait été perdu ». Donc, c'est là que se met en place cette manière-là de faire de la démocratie étudiante, de faire des assemblées, de passer au vote, de faire des regroupements d'associations, etc., etc. Et toute cette structure interuniversitaire de négociation se met en place au Québec à partir de ça. C'est ça qui va rendre possible, en fait, l'UGEC en 64, puis les autres grandes centrales étudiantes depuis ce temps-là. Mais concrètement, qu'est-ce qu'ils réussissent à obtenir? Est-ce que, par exemple, ils vont rencontrer le premier ministre Duplessis? Les trois ne rencontreront pas le premier ministre Duplessis. Ils vont retourner à Montréal au début du mois de mai, une fois la session finie. D'ailleurs, les trois vont échouer leur session. Et ce qui est particulièrement ironique, c'est qu'au cours de l'été, il y a une association parallèle, la Ligue d'action universitaire, qui est créée fort probablement en sous-main du Parti de l'Union nationale. Et les représentants de ce parti-là, de cette Ligue d'action universitaire-là, eux vont être rencontrés par le premier ministre Duplessis. Et ça va donner lieu à des dénonciations vraiment soutenu dans les journaux étudiants, parce que là, c'est vraiment la négation, finalement, de la reconnaissance de la démocratie étudiante des porte-paroles officielles. Puis ça montre bien aussi comment Duplessis s'organisait pour rencontrer les personnes qu'il voulait rencontrer. Et finalement, Duplessis va rencontrer les représentants des associations étudiantes en décembre 58, donc 9 mois plus tard, en refusant de parler de financement des universités en leur disant « Laissez les grands faire ça à votre place, ce n'est pas votre responsabilité. » Et il va recommencer, là, on connaît son discours, on a le meilleur système d'éducation au Québec, etc. Karine Hébert, c'était fascinant. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Ce fut un grand plaisir, merci. Karine Hébert, professeure d'histoire à l'Université du Québec à Rimouski. Merci également à Mathieu Beauchamp à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et André Martineau, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault, à la technique aujourd'hui Dominique Beaudoin. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.